بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 36، ولا نزال في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 8 février 2014 et ceci est le 36e cours, toujours de ce même livre bénéfique, Les qualités sublimes du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Nous sommes dans le chapitre concernant le décès du prophète صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce chapitre, on a appris que le prophète صلى الله عليه وسلم décéda un lundi. Il décéda en fin de matinée صلى الله عليه وسلم. Nous avons aussi appris dans celui-ci que le dernier sourire du prophète صلى الله عليه وسلم a eu lieu quand il a pu voir les gens de sa communauté debout dans la prière, en rang, bien alignés, dévoués à Allah, concentrés, recueillis dans leur prière, ce qui a provoqué son dernier sourire, sallallahu alayhi wa sallam. Son visage avait été décrit, ou a été décrit, par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, pendant son sourire, comme si qu'il ressemblait à une feuille du mushaf. Le mushaf, c'est le Coran. Pourquoi? Parce que c'est une feuille qui est pure, propre, qui est blanche. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. On a également vu combien a souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque son épouse Aïcha radiyallahu anha a dit qu'elle n'enverrait plus personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens qui ont eu une mort douce, c'est-à-dire une mort sans souffrance, une mort sans douleur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien celui qui a ressenti la plus grande souffrance parmi tous les hommes, alayhi salatu wa salam. Et si lui a souffert ainsi, alors personne n'est à envier parmi les gens qui meurent sans souffrir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également vu que le prophète alayhi salatu wa sallam a été enterré dans l'endroit où il mourut, alayhi salatu wa sallam, car les prophètes sont enterrés dans les endroits de leur mort, et c'est ce qu'ils aimaient. Ils voulaient être enterrés là où ils mouraient. On a vu aussi la tristesse de Abu Bakr radiyallahu anhu. On a également vu qu'après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, la ville de Médine s'est assombrie. Après son arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit Anas ibn Malik, quand il est venu à Médine, cette ville s'est illuminée. Et quand il est mort, elle s'est assombrie, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons entrer dans un hadith qui retient ou qui nous pousse à retenir nombreuses leçons très importantes. Le hadith de ce qui s'est passé quelques moments avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est assez long mais qui est très important. Ce hadith est rapporté par Salim ibn Ubaid radiyallahu an. On dit de lui qu'il était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. Nous allons lire et traduire ce hadith et le commenter partie par partie car il est long. Donc, Salim ibn Ubaid radiyallahu anhu dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam perdit connaissance au cours de sa maladie, puis se réveilla. La maladie dont on parle ici est la maladie qui a causé sa mort, alayhi salatu wa salam. Cette maladie qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à souffrir, comme cela est cité dans de nombreux hadiths. Au cours de cette maladie, il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises de perdre connaissance puis de se réveiller un instant pour reperdre connaissance ensuite ou par la suite. Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il se réveillait? Ce compagnon nous dit: il perdit connaissance au cours de sa maladie puis se réveilla pendant qu'il était allongé et malade. Quand il se réveillait, la première chose qui venait à son esprit était cette parole: le moment de la prière est-il venu? Oui, répondirent-ils. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une situation déplorable. Il affronte une situation très difficile. Il souffre, cela depuis plusieurs jours, depuis longtemps. Il endure les peines et les souffrances et les douleurs, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cette souffrance que nul autre que lui n'a connue et ne connaîtra, malgré cette souffrance, au moment où il se réveille, pour un très court instant, voici la première chose qui vient à son esprit. Voici la première chose qui préoccupe son cœur et qui habite son âme. Sallallahu alayhi wa sallam. Le moment de la prière est-il venu? Et à travers cette phrase que l'on peut penser simple, il y a une leçon à retirer, qui est que le croyant vit avec cette prière, vit pour cette prière, cherche à parfaire cette prière, ne se détache en aucun cas de cette prière. Cette prière qui était le repos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait à Bilal: ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Ô Bilal, appelle à la prière, repose-nous par cette prière. Il y trouvait le repos, la quiétude. Cette prière était l'acte que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rencontrait des difficultés dans sa vie. Il se dirigeait immédiatement vers la prière et il invoquait Allah azza wa jal. Car il est celui vers qui ou sur qui est descendu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: wasta'inu bis sabri was salah, et cherchez de l'aide dans la patience et la prière. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, et certes la prière est lourde sauf pour les gens qui sont humbles, ceux qui sont pleins d'humilité, recueillis dans cette prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement été attaché tout au long de sa vie à cette prière que quand il a atteint les plus grandes souffrances et les plus grandes douleurs, il n'a cessé de penser à cette prière. Et l'un d'entre nous, s'il arrive dans cette situation et on lui permet de se réveiller pour une minute ou deux ou un très court instant, peut-être qu'il va laisser ses dernières recommandations concernant ce qu'il a laissé derrière lui comme bien, enfant, famille. Peut-être qu'il va parler de ses dettes, peut-être qu'il va parler de choses qu'il voit importantes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille et dit immédiatement: ahadarati ou hadarati salah, le moment de la prière est-il venu? Les compagnons qui sont avec lui radiyallahu anhu lui disent: oui, c'est-à-dire le temps de la prière est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: muru bilalan falyu'adhdhin wa muru aba bakrin an yusalli lin-nas aw qala bin-nas. Dit à Bilal qu'il fasse l'appel à la prière, et dit à Abu Bakr qu'il dirige l'office pour les gens, ou dit-il avec les gens. Quand on lui dit oui, le moment de la prière est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam organise, comme il a l'habitude de le faire, l'accomplissement de cette prière, en disant aux gens d'ordonner à Bilal d'appeler à la prière, afin d'annoncer aux gens que le moment de la prière est arrivé. Puis, étant donné que lui ne peut pas venir à la prière, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est épuisé, puisqu'il souffre, il demande à ce que l'on ordonne à Abu Bakr de diriger cette prière. Et à travers cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on découvre la grande place qu'occupe Abu Bakr dans le cœur du croyant, dans le cœur des musulmans, mais avant tout chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il aurait pu désigner quelqu'un d'autre pour diriger la prière, mais il a choisi Abu Bakr. Et certains savants disent que cela fait partie des signes qui ont montré que le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort sera Abu Bakr radiyallahu anhu, le plus pur des compagnons, le meilleur, le compagnon du prophète alayhi salatu wa salam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été poignardé, comme beaucoup de gens le savent. Quand il a été poignardé, alors qu'il était en pleine prière, pendant la prière du Fajr, cet homme lui a asséné un coup de couteau qu'il avait plongé dans le poison pendant plus d'un mois et qui était très tranchant. Il a poignardé Omar radiallahu anhu. Omar est tombé au sol. Alors qu'il agonisait et que le sang gisait de son corps, qu'est-ce qu'il dit? Quand il retrouvait la connaissance, il disait, Asal al-Nas, les gens ont-ils prié? Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué par cet homme qui, quand il se réveillait, disait, le moment de la prière est-il venu? Ces gens-là avaient le cœur dans la prière. Ils étaient accrochés à cette prière. À un point où même quand il se fait poignarder et que le sang coule de son corps, et certains des compagnons qui étaient là décrivent cette scène, ils disent qu'on lui donnait à boire du lait et le lait sortait de sa plaie. On lui donnait à boire des boissons, elle coulait de sa plaie, tellement elle était profonde et large. Et malgré cela, Omar dit à Sallan Nas, les gens ont-ils prié? Et sans aucun doute, cette parole ne peut être prononcée que par celui qui a le cœur vivant, accroché à cette prière, qui porte le souci de cette prière, le souci de l'accomplir en son temps, le souci de l'accomplir en groupe avec les fidèles. Donc, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez à Bilal d'appeler à la prière et à Abu Bakr de diriger celle-ci avec les gens. Ensuite, ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة. Puis une deuxième fois, il s'évanouit. Puis reprit connaissance et dit, le moment de la prière est-il venu? Subhanallah. La première fois, il a prononcé cette phrase. Le moment de la prière est-il venu? Cela pouvait être suffisant. Il a ordonné à Bilal d'appeler à la prière, à Abu Bakr de diriger celle-ci, et malgré cela, quand il se lève une deuxième fois, il recommence et dit, Hadarat al-Salah, le moment de la prière est-il venu? Oui, répondirent-ils. Faqala muru Bilalan falyu'adhdhin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin-nas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal qu'il fasse l'appel à la prière et dit à Abu Bakr qu'il la dirige une deuxième fois. Le Cheikh Abdul Razak ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce passage qu'un homme lui a raconté qu'une personne parmi les musulmans, un homme croyant, est tombé dans le coma pendant 6 mois. Et son fils venait régulièrement lui rendre visite. Et cet homme qui était dans le coma était connu pour son attachement ferme à la prière. Et trois mois après le coma dans lequel il est tombé, il a retrouvé pendant un court instant l'éveil. Il s'est réveillé. Le médecin a appelé son fils et lui dit, ton père a retrouvé le réveil et il se peut qu'il retombe dans le coma. Si tu veux t'adresser à lui, si tu veux lui parler, tu peux en profiter. Quand son fils est arrivé et qu'il a vu son père dans cette situation, la première parole, et en vérité la seule parole qu'a prononcée son père, Adhan, Adhan. Est-ce qu'on a appelé à la prière? Est-ce qu'on a fait l'Adhan? Il vivait dans un pays musulman où l'appel à la prière était fait avec les haut-parleurs. Donc ces gens-là ont l'habitude d'entendre l'appel à la prière. Et quand quelqu'un ne l'a pas entendu et pense que le temps de la prière est rapproché, il demande à quelqu'un, est-ce que tu l'as entendu? C'est ce qu'a fait cet homme. C'est la seule chose qu'il a prononcée. Adhan, Adhan. Est-ce qu'on a appelé à la prière? Est-ce que le temps de la prière est venu? Et si on médite sur la situation de beaucoup de musulmans qui tombent malades et qui sont hospitalisés, nous allons voir que malheureusement, quand ils sont hospitalisés, quand ils sont touchés par une maladie, ils oublient la prière. Certains parmi eux ne se posent même pas la question, comment est-ce que je dois prier? Est-ce que j'ai le droit de faire les ablutions sèches, tayammum? Est-ce que, étant donné que je ne peux me lever, j'ai le droit de prier allongé? Est-ce que aucune question ne se pose chez ces gens-là? Ils abandonnent tout simplement la prière. Et quand l'un d'entre eux va rendre visite à ces gens-là, on leur répond, je suis dans l'incapacité, je ne peux pas prier. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant sa mort, pendant ces derniers moments qu'on est en train de lire et d'étudier, ne pouvait se lever. Il a ordonné à deux hommes de le porter, et on va le voir plus loin dans ce même hadith. Et on le traînait alors jusqu'à l'endroit, jusqu'à la place où il accomplissait sa prière. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit ce qui veut dire, et je me souviens de nous, il parle des compagnons. L'un d'entre nous était souffrant, mais on le portait. On le ramenait tiré par deux hommes, chacun lui tirait le bras ou l'épaule, et ses pieds traînaient sur le sol jusqu'à le poser à l'endroit de sa prière. Et il y a même un des pieux prédécesseurs, dont j'ai oublié le nom, qui était souffrant et qui a entendu l'appel à la prière. Il dit à ses enfants, emmenez-moi. Ses enfants lui ont dit, est-ce qu'on va t'emmener malgré la situation dans laquelle tu es? Et lui a dit, subhanallah, j'entends l'appeleur à la prière et je ne réponds pas à son appel, emmenez-moi. Alors ses enfants l'ont emmené et ses pieds traînaient au sol. Puis ils l'ont posé à la place où il accomplissait la prière. Et quand il est tombé en sujoud, en prosternation, Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme. Et c'était le dernier moment de sa vie. Il est mort dans le meilleur moment où le serviteur peut se trouver. Le moment où il est le plus proche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal d'accomplir l'appel à la prière et à Abu Bakr de diriger cette prière, car Abu Bakr était le meilleur des compagnons, celui qui était préféré au prophète alayhi salatu wa salam. Aisha radiallahu anha à ce moment-là a dit, فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. Aïcha dit, mon père est un homme qui s'émeut facilement. Il est touché très rapidement par l'émotion, par la tristesse. C'est un homme qui est touché rapidement. S'il se tient à une telle place, la place dont on parle ici, c'est la place occupée habituellement par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pleurera. C'est-à-dire que si on lui demande de diriger la prière, il ne pourra pas résister. On n'entendra pas sa récitation, sa lecture du Coran, tellement ses pleurs seront fortes. Car il se dira pendant cette prière, je suis à la place qui est habituellement occupée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, ainsi il ne le pourra pas. Peux-tu donc ordonner cela à quelqu'un d'autre? Aïcha, radiyallahu anha, s'est justifié pour que son père ne dirige pas la prière parce que l'on vient d'entendre. Mais en réalité, il y a un secret derrière ça. Aïcha radiallahu anha n'a pas voulu que son père dirige cette prière pour une autre raison, qu'elle n'a pas voulu dévoiler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a découvert cette raison. Et il a compris pourquoi Aïcha radiallahu anha n'a pas souhaité que son père dirige cette prière. Dans certaines versions authentiques de ce hadith, rapportées par Al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha a dit « Mur Umar fal yusalli bin nas » Ô messager, ordonne à Omar de diriger cette prière. Car elle dit que Abu Bakr est un homme qui pleure beaucoup dans la prière. Et c'est une réalité. Quand il entrait dans la prière, radiallahu anhu, il était pris par les pleurs. C'était quelqu'un qui était touché facilement et rapidement par le Coran, car il méditait l'essence de ce livre. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Mouru Abu Bakrin fal yusalli bin nas » Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha radiallahu anha a'adat alayhi marratan thaniya a réitéré une deuxième fois ses paroles. Ô messager d'Allah, Abu Bakr est quelqu'un qui s'émeut facilement. Si tu dis à Omar d'accomplir la prière, car Omar est un homme qui est fort, innahu rajulun qawi, jusqu'à la troisième fois. La troisième fois, le prophète alayhi salatu wa salam a refusé et a dit Mouru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha radiallahu anha ne s'est pas arrêtée. Elle s'est tournée vers Hafsa, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit Quli lahu, dis-lui toi que ton père doit diriger la prière et que cela est meilleur. Et Aïcha cachait la véritable raison pour laquelle elle ne souhaitait pas que son père dirige cette prière. Ensuite, ثُمَّ أُرْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ مُرُ بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'évanouit une nouvelle fois, puis reprit connaissance et dit « Dites à Bilal qu'il fasse l'appel à la prière et dites à Abu Bakr qu'il la dirige. » Et à ce moment-là, il dit à Aïcha, radiyallahu anha, ainsi que Hafsa, « Vous êtes comme celles qui furent avec Yusuf. » C'est-à-dire « Fa'inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. » Yusuf, alayhi salam, est le prophète que vous connaissez tous. Il a une sourate qui lui est dédiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf a une histoire. Et dans cette histoire, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'une femme a rusé contre Yusuf. À un point, Allah azza wa jalla a dit, inna kaydakunna azim. Votre ruse est immense. Pourquoi? Parce que certaines femmes dans cette histoire avec Yusuf, ces femmes ont été séduites par Yusuf. La femme du roi d'Égypte a été séduite par Yusuf. Elle l'a donc forcé à se livrer à lui, à elle. Elle a donc forcé Yusuf à passer à l'acte avec elle, l'acte interdit. Mais Yusuf craignait Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc refusé. Il n'a pas répondu à cette provocation ou à cet appel. Et alors, cette femme a rusé contre Yusuf. Et elle a montré aux gens que c'est Yusuf qui l'a forcé et qui a failli donc la forcer à commettre l'acte avec elle. Elle a donc montré aux gens le contraire de ce qu'elle cachait. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha et Hafsa, vous êtes comme celles qui furent avec Yusuf. Vous êtes comme ces femmes qui ont montrer à l'époque de Yusuf aux gens le contraire de ce qu'elle cachait. Car en fait, Aïcha radiallahu anha ne souhaitait pas que son père dirige la prière pour une autre raison. Et qui est-ce qui peut me découvrir ou trouver cette raison? Personne. Tayyib. Sofiane. alayhi salatu wasalam. Elle ne voulait pas que Abu Bakr dirige cette prière parce que elle avait peur que les gens de par la suite prennent dans leur cœur quelque chose contre Abu Bakr et disent pourquoi est-ce qu'il a dirigé la prière, pourquoi est-ce qu'il a occupé la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on le sait? C'est l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala qui rapporte que Aïcha radiyallahu anha a dit: Wallahi ma bi illa karahiyya an yatasha'ama an-nasu bi awwali man yaqumu fi maqami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, dans le recueil de Muslim, Aïcha radiyallahu anha nous dit: par Allah, la seule chose qui m'a poussé à souhaiter que mon père ne dirige pas la prière, c'est la peur que les gens éprouve quelque chose contre celui qui va occuper la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle n'a pas voulu montrer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a donc dit: Abu Bakr est quelqu'un qui s'émeut facilement, alors il est meilleur que Omar dirige cette prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était cette raison qui l'a poussé à prononcer cette parole. Qalafa Umira Bilal fa'adhan. On a alors ordonné à Bilal d'accomplir la prière, chose qu'il a faite. Wa umira Abu Bakrin fa'salla binnas. Puis on a ordonné à Abu Bakr et il dirigea l'office, il dirigea la prière. Et c'était donc ils ont accompli cette prière. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة. Il arriva ensuite que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se sentit léger. Et il y a quelque chose ici encore à retenir. Qu'est-ce que le prophète a fait صلى الله عليه وسلم après s'être senti léger, après cette douleur et cette peine qu'il a affrontée? La première chose qu'il a demandé: فقال انظروا لي من اتكئ عليه. Il dit: voyez pour moi quelqu'un sur qui je puisse m'appuyer. Pourquoi est-ce qu'il cherche quelqu'un sur qui s'appuyer? Hein? Pour faire quoi? Pour aller où? Pour aller dans cette prière. Donc il ne pouvait pas sallallahu alayhi wa sallam, mais quand il a trouvé que les douleurs se sont atténuées et que la souffrance s'est allégée, la première chose qu'il a dite: voyez pour moi, cherchez-moi quelqu'un sur qui je puisse m'appuyer. Les compagnons radiyallahu anhum ont immédiatement cherché qui pourrait appuyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que quand le musulman est malade, quand il retrouve un peu la forme ou de légèreté, il se dirige vers Allah. Il en profite pour attraper sa prière s'il n'a pas pu la faire à cause de la souffrance. Il cherche quelque chose dans son dîn, quelque chose dans sa foi. Alors que beaucoup de gens qui ont à peine mal à la jambe, au bras, au ventre, ne viennent même plus à la mosquée, alors qu'ils peuvent le faire. Ils délaissent la prière, ils ne viennent plus à la mosquée, peut-être même qu'ils arrêtent la prière. Subhanallah. Pourquoi? Parce que monsieur a mal au ventre ou madame a mal à la tête, donc il arrête ou elle arrête la prière. Subhanallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouvait une légèreté, il accourait vers la prière sallallahu alayhi wa sallam. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Barira, donc c'est une personne, et un homme vinrent alors. Donc deux personnes sont venues et il s'appuya sur eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc appuyé sur ces deux personnes. Barira et l'autre personne, dont le nom n'est pas cité ici, mais dans d'autres versions il est cité qu'il s'appelle Nuba, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appuyé sur eux pour se lever et aller marcher vers la prière alayhi salatu wa salam. Et dans d'autres versions authentiques, dans les deux recueils de Al-Bukhari et Muslim, on nous cite que ces deux personnes qui l'ont porté sont Abbas, son oncle, et Ali ibn Abi Talib, son cousin, radiyallahu anhuma. Et dans d'autres versions, on nous cite que c'est Al-Abbas, son oncle, et Al-Fadl, le fils de son oncle, donc son cousin. Donc il y a en tout 6 personnes ici qui nous sont citées. Les savants ont essayé d'unir ces versions différentes de hadith qui sont toutes authentiques. Et on dit, Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a dit que Barira et Nouba sont les deux personnes sur lesquelles s'est appuyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison jusqu'à la sortie. Et après la sortie de sa maison, Abbas et Ali ibn Abi Talib ont pris la relève et l'ont porté jusqu'à l'endroit de sa prière. Cheikh Al-Albani rahimahullah lui a dit que il se peut que plusieurs fois on a porté le prophète alayhi salatu wasalam pour la prière, donc une fois c'est Barira, une fois c'est Abbas, une fois c'est etc. Ceci dit, le prophète sallallahu alayhi wasalam a été porté pour arriver vers le lieu de prière. Il voulut revenir lorsqu'Abu Bakr le vit. Il voulut revenir en arrière. Quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr dirigeait la prière. Et dans d'autres versions de ce hadith, les compagnons radiyallahu anhum ont failli s'envoler quand ils ont vu arriver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la joie qui habitait leur cœur. Ils se sont dit, c'est bon, il est revenu sallallahu alayhi wa sallam, il va diriger la prière, Allah l'a guéri, il reste avec nous. Ils étaient tellement heureux que Abu Bakr radiyallahu anhu a remarqué cela et il a voulu se mettre en arrière radiyallahu anhu. Pourquoi? Tout simplement pour rendre la place au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de loin à Abu Bakr de rester à sa place radiyallahu anhu. Il nous dit, فَلَمَّ رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَا لِيَنْكُسْ. Lorsque Abu Bakr le vit, il voulut revenir en arrière. وَفَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَ. Mais il lui fit signe de demeurer à sa place. Et ainsi Abu Bakr termina la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr de rester à sa place. Abu Bakr a obéi. À partir de là, les savants ont divergé au sujet de cette prière. Qui est celui qui a dirigé la prière? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, quand il est arrivé, a repris la place de l'imam et Abu Bakr est devenu un fidèle qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est simplement mis à côté d'Abu Bakr et Abu Bakr a dirigé la prière? Allahu a'lam. Mais les savants ont ces deux paroles. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, dit que dans la version d'un hadith, de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à gauche de Abu Bakr. Et quand on prie à deux, l'imam est celui qui se met à gauche. Et cette version du hadith montre ou appuie le fait qu'il est fort possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé cette prière. Quoi qu'il en soit, le prophète a accompli avec les compagnons, radiyallahu anhum, cette prière. Puis, il dit, ثُمَّ قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ. Puis, Abu Bakr, radiyallahu anhum, termina sa prière. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضْ. Puis, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mourut. Sachez que ici, quand il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, on ne veut pas dire par là qu'il est mort après cette prière comme on pourrait le penser et comme il apparaît dans le hadith. Car le mot thumma en arabe désigne quelque chose qui arrive après. Et ce après peut avoir lieu 2 heures après ou 2 jours après. Il n'y a pas de temps. C'est une chose qui va arriver plus tard. Le mot thumma désigne une chose qui arrivera plus tard. Et ici, ce n'est pas le même jour que le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelques jours après. Faqala Umar, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé après l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons ont ressenti une douleur qu'on ne peut décrire. Ils ont ressenti la plus grande douleur qu'un croyant puisse ressentir. Quelle est-elle? Le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, ces gens-là qui ont vécu au service de la sunna, au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de longues années. Combien sont ceux parmi eux qui ont donné leur vie? Combien sont ceux parmi eux qui ont perdu leur père, leurs frères, leurs mères, leurs épouses, leurs enfants, tout leur argent? Certains ont perdu la vue au combat. Certains ont été touchés dans les bras, d'autres dans les jambes, et on a coupé leurs jambes. Tout cela pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y avait des guerres et que l'ennemi se rapprochait et qu'il voulait toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiallahu anhum se mettaient devant lui comme des boucliers. Ils voulaient se donner leur corps pour le protéger sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a tout donné. Il a passé tout leur temps avec eux. Et il a interdit aux gens d'insulter ses compagnons. Et il a dit que celui qui insulte ses compagnons, que la malédiction d'Allah s'abatte sur lui. Et sans aucun doute, les shi'a, les shi'ites, les rawafid, sont touchés par cette invocation jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Et tous ceux qui insultent les compagnons, radiyallahu anhum. Après toutes ces années de sacrifices, de dépenses, d'efforts, de peines, d'afflictions, après toutes ces années, le prophète qui est leur père, car celui qui t'enseigne est comme ton père, comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète qui est leur chef, le prophète qui est leur enseignant, le prophète qui est celui qui les réconcilie quand il y a une mésentente entre eux, le prophète qui a donné sa vie pour eux, part, et il part devant eux. Imaginez-vous un peu la souffrance que les compagnons ont connue quand ils ont perdu le prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les gens qui ont le plus souffert, Omar, radiyallahu anhu, à un point il a dit cette phrase. Il dit, par Allah, si j'entends quelqu'un dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, je le frapperai avec mon épée que voici. Et il a sorti son épée, radiyallahu anhu. Les gens ont obéi à Omar. Ils ont arrêté de dire que le prophète est mort, radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le soir, on a confirmé sa mort. Souvenez-vous, le premier hadith de ce chapitre, Anas dit qu'il est mort en fin de journée, alors qu'il était mort en fin de matinée. Et on a dit que ce qui était voulu par là, c'est que sa mort a été confirmée en fin de journée. Les compagnons ont cessé de dire que le prophète est mort, pour répondre à l'appel de Omar, radiyallahu anhu. قَالَ وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ. Salim, Salim ibn Ubayd, le rapporteur de ce hadith, nous dit, or les gens étaient illettrés. Il n'y avait pas eu de prophète parmi eux auparavant. Ils s'abstinrent donc de parler. Ils ont obéi à Omar. Ils n'ont pas connu ce malheur, parce qu'ils n'ont pas eu de prophète avant lui. Ils ne savent pas ce qu'est ce malheur, ce qu'est cette calamité qui les a frappés. Ils sont illettrés, ils n'ont pas eu de prophète avant. C'est la première fois qu'ils ressentent cette douleur. Ils ont oublié Omar radiallahu anhu. Faqalu ya Salim, intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fad'u. Les gens se sont tournés vers Salim, celui qui nous rapporte cette histoire, et ils lui ont dit, ô Salim, va trouver le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui de venir. De qui est-ce qu'il parle? D'Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors que les gens affrontaient cette situation alarmante et difficile, ils se sont tous unis sur le fait d'appeler Abu Bakr radiyallahu anhu, et cela est encore un signe qu'il est celui qui va succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est plus à même de le faire. Donc Salim dit فأتيته أو فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا. Salim dit, je me rendis donc chez Abu Bakr qui se trouvait à la mosquée et vint en pleurant, pris de désarroi. Le mot qui est cité ici, dahash, c'est une situation de tristesse qui fait que la personne ressemble à quelqu'un qui a perdu la raison, qui ne sait plus quoi faire, tellement elle est triste, tellement elle est touchée, elle est frappée par une calamité. C'est comme ça qu'était Salim quand il est allé voir Abu Bakr radiyallahu anhu, et ses larmes coulaient les unes après les autres. Abu Bakr radiyallahu anhu était quelqu'un qui était ferme. Lorsqu'il me vit, il dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serait-il mort? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Il sait que le prophète alayhi salatu wa sallam est souffrant. Et il voit Salim ibn Ubaid radiyallahu anhu venir plein de tristesse, les larmes qui coulent sur ses joues les unes après les autres. Il comprend qu'un malheur a atteint la Ummah, la communauté. Et il sait que le plus gros malheur à ce moment-là qui est susceptible de frapper la Ummah, la communauté, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serait-il mort? Mais qu'est-ce que Salim a dit? Il n'a pas répondu oui. Pourquoi? Car Omar radiallahu anhu leur a interdit de dire qu'il est mort. Il dit, Salim dit, فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لِي أَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِ هَذَا. Salim a dit, Omar déclare ceci, si j'entends quelqu'un dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, je le frapperai avec mon épée que voici. Abu Bakr a répondu, a compris, oui il est mort mais je ne peux pas le dire directement. Alors Abu Bakr a dit, فَقَالَ لِي انطلق فانطلقت معه فَجَاءَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a dit, viens, c'est-à-dire suis-moi, nous allons voir le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je partis donc avec lui. Lorsqu'il arriva, les gens étaient déjà entrés auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il est arrivé, il a déjà trouvé une foule de gens qui étaient réunis autour du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version de l'imam al-Bukhari, on nous dit qu'il n'a adressé la parole à personne. Il a été tout droit vers le cadavre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette version, qu'est-ce qu'il dit? فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَفْرِجُوا لِي فَأَفْرَجُوا لَهُ. Ô gens, laissez-moi un passage. Il n'y a pas de contradiction entre cette version et celle de l'Bukhari, car dans la version où on nous dit qu'il n'a adressé la parole à personne, on veut nous dire par là que la seule chose qu'il a dit aux gens, laissez-moi passer. Il n'a parlé à personne. Il n'a demandé à personne, est-ce que le prophète est vraiment mort? Comment il est? Comment son corps? Il n'a adressé la parole à personne. Il a dit, ouvrez-moi la route. Il était obligé pour arriver au corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a donc ouvert le passage. فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ. Ils lui laissèrent ainsi un passage, puis enfin arrivé, il se jeta sur lui et le toucha. Et dans le hadith cité avant, on a vu qu'il a embrassé son front sallallahu alayhi wa sallam au milieu de ses yeux et il lui a dit, طِبْتَ حَيَّنْ وَمَيَّتَ. Tu es bon, mort et vivant. Tu es bon, vivant et mort. Ici, après l'avoir embrassé, il a dit, فَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Il a récité le verset de surat Al-Zumar, les groupes, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Et si c'est une réalité qui est rapportée par Allah Azza wa Jal, que nous sommes tous voués à disparaître, nous sommes tous voués à mourir et à quitter cette vie pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui sort de ce bas monde sans avoir connu Allah, sans avoir un cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, aura tout perdu. Il sera voué à l'échec. Il sera voué à l'échec et à la perte. La plus grande perte que personne n'ait jamais connue. Wal'iyadu billah. Certes, il aura mangé. Certes, il aura bu. Il aura profité des délices de ce bas monde. Il aura épousé, eu des enfants, eu de l'argent, gagné telle et telle chose, voyagé, acheté, vendu. Mais il aura tout perdu car il aura quitté ce bas monde sans être proche d'Allah, chose pour laquelle il avait été créé à la base par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, nous allons voir comment doit être la réaction du muwahhid, le monothéiste pur, celui qui n'adore qu'Allah, celui qui a été éduqué par le Coran et la Sunna, jusqu'à ce que son cœur a été habité par la foi en Allah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il va dévier du chemin d'Allah à cause de ce malheur? Est-ce qu'il va désobéir à Allah? Est-ce qu'il va lâcher cette religion qu'il a tenue avec ses mains à l'image de celui qui tenait dans sa main une braise ardente, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien va-t-il rester ferme? Ou bien est-ce que cette scène ne va faire qu'accroître sa foi? Et c'est le cas de Abu Bakr radiyallahu anhu. Après avoir récité ce verset qui veut dire en vérité tu seras mort et ils seront morts, thumma qalu ya sahiba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aqubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après quoi ils lui demandèrent: ô compagnon du messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il mort? C'est-à-dire, est-il vraiment mort après que toi tu l'aies vu? Remarquez quelque chose. Les compagnons ont demandé à Salim d'aller appeler Abu Bakr. Ils lui ont dit: allez appeler le compagnon du messager d'Allah. Ici on nous dit: ô compagnon du messager d'Allah, est-ce que le prophète est vraiment mort sallallahu alayhi wa sallam? Tous ces gens-là ne sont-ils pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit va appeler Abu Bakr? Ils ont dit va appeler le compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, car parmi ses compagnons il est le plus proche. Il est parmi les compagnons du prophète celui qui est le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils l'ont dit, va appeler le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala na'am, oui, répondit Abu Bakr, oui, il est bien mort. Fa'alimu an qad sadaq, il savait qu'il disait vrai. Ils lui demandèrent ensuite, qalu ya sahib rasulillah ayusalla ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ô compagnon de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, doit-on prier, c'est-à-dire la janaza, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Pourquoi est-ce qu'il se demande, est-ce que nous devons prier sur lui, ou bien on ne doit pas prier sur lui, contrairement aux autres? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah te, ce qui veut dire globalement, Allah te pardonne tes péchés passés et à venir. Et la salat al-janaza a été légiférée pour que l'on demande à Allah le pardon pour le défunt. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit, est-ce qu'on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala na'am, oui, dit Abu Bakr radiyallahu anhu. Ensuite, une autre question. Qalu wa kayf? Ils se sont dit, comment? Comment est-ce qu'on doit prier sur lui? Est-ce qu'on doit prier tous ensemble? Est-ce qu'on doit prier en groupe? Comment est-ce qu'on doit le faire? Comment doit être cette prière? Qala yadkhulu qawmun fayukabbirun ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. Abu Bakr a dit, un groupe entrera qui prononcera le takbir, Allahu Akbar, priera et invoquera Allah, puis sortira. Puis, un autre groupe de personnes entrera qui prononcera le takbir, priera et invoquera Allah, puis sortira. Et ainsi, jusqu'à ce que tous les gens entrent. Et cela, bien sûr, s'est passé dans l'endroit où il est mort, l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Et c'est ce qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les savants disent que les compagnons ont prié un par un, individuellement, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils voulaient tous invoquer Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une dua, une invocation particulière, propre, qu'ils voulaient dédier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalu ya sahib rasulillah ayudfanu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il se pose une autre question: ô compagnon du messager d'Allah, doit-on enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, doit-on l'enterrer ou bien doit-on le laisser? Est-ce que il ne doit pas être enterré comme les autres gens? Qala na'am. Oui, dit-il plutôt. Qalu ayn. Et alors ils disent où? Et là, Abu Bakr radiallahu anhu, souvenez-vous du hadith précédent. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me souviens d'une chose que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit que le prophète doit être enterré là où il meurt. Abu Bakr radiallahu anhu a dit: Qala fil makan alladhi qabada Allah fihi ruha. À l'endroit où Allah a rappelé son âme, reprit Abu Bakr. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ. Allah, en effet, n'a rappelé son âme que dans un lieu excellent. فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقْ. Ainsi, ils surent qu'il disait juste. ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَهُ بَنُوْ أَبِيهِ. Puis ensuite, on est passé à son lavage. Il ordonna ensuite que le lavent les fils de son ascendant paternel, c'est-à-dire les gens de sa descendance, sallallahu alayhi wa sallam, ses cousins. Et ceux qui l'ont lavé, c'est-à-dire celui qui l'a lavé directement avec ses mains, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. C'est lui qui a effectué le lavage du corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ali, non. Ça va arriver, on va en parler là, juste là. Donc ils ont lavé le corps de Ali radiyallahu anhu, comme tu vois là, on suit le hadith. Ils ont lavé le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Ali qui a directement lavé son corps. Ali était en compagnie de trois personnes. Il était en compagnie de Al-Fadl ibn Abbas, le deuxième cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en compagnie de Usama ibn Zayd, un compagnon qui était très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enfin Shukran, l'esclave libéré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux n'ont pas effectué le lavage, mais ils ont assisté au lavage, et c'est eux qui donnaient l'eau à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. C'est eux qui donnaient l'eau à Ali ibn Abi Talib pour qu'il puisse effectuer le lavage du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit: وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ. Il nous dit, les émigrés, الْمُهَاجِرُونَ, les compagnons se divisent en deux, الْمُهَاجِرُونَ et الْأَنْصَار, les émigrés et les auxiliaires. Les émigrés sont ceux qui ont quitté la Mecque pour aller vivre à Médine. Les auxiliaires sont ceux qui vivaient à Médine et qui ont accueilli les émigrés. Les émigrés, ce sont les premiers croyants, parce que c'est eux qui ont directement vu en premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les émigrés se réunirent et se consultèrent. Pourquoi est-ce qu'ils se sont réunis? Pourquoi est-ce qu'ils se sont consultés? car on a perdu le commandant des croyants. Et là, ce que tu voulais dire arrive. On a perdu le commandant des croyants. Et la communauté ne peut pas rester sans commandant. Elle ne peut pas rester sans gouverneur. Pour que les choses soient réglées, pour que l'ordre soit établi, pour que l'injustice soit repoussée. C'est une chose très importante. Et donc ça, c'est ce qui a eu lieu avant l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a lavé, ensuite on s'est réunis pour parler de pour se consulter, pour savoir qui va être celui qui sera désigné comme le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les émigrés se sont réunis. Faqalu intaliq bina ila ikhwanina min al-ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadha al-amr. Ils ont dit et déclarèrent suite à cela, allons vers nos frères, les Ansar, afin de les joindre avec nous dans la question. Quelle question? La question de qui va être celui qui va nous gouverner après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça répond à la question de ceux qui disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans sa sunna que soit effectué l'enterrement le plus rapidement possible après la mort du croyant. Et ça, c'est la sunna. On ne doit pas laisser le corps pendant longtemps alors qu'on peut l'enterrer le plus rapidement possible. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré directement. Pourquoi? Car il y avait une question importante qui devait être traitée immédiatement par les musulmans. Qui est le gouverneur qui va succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc ils ont décidé de joindre à eux les Ansar afin que tous les croyants soient présents. Et ils se sont réunis dans un endroit qu'on appelle Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Bani Sa'ida, un endroit juste derrière la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au jour d'aujourd'hui, elle se trouve vers la porte qu'on appelle Bab Salam, pas loin de cette porte-là. Et il y a une maktaba qu'on appelle Maktabat al-Malik Abdelaziz, la bibliothèque du roi Abdelaziz, rahimallah. C'est à cet endroit-là que se sont consultés les compagnons pour désigner Abu Bakr radiyallahu anhum ou anhum. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. Les Ansar, les habitants de Médine, dirent, il y aura parmi nous un chef et parmi vous un chef. Ils se sont dit qu'il était judicieux de désigner un chef pour les Ansar et un autre pour les émigrants. Et là, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, va apporter un argument qui va pousser les gens à se mettre d'accord sur une seule personne, non pas sur deux. Et cette personne sera Abu Bakr, radiallahu anhu. Omar, radiallahu anhu, leur a dit, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّلَاثَ. Qui possède pareille qualité que ces trois-là? Qui est égal à celui qui a réuni en lui ces trois qualités? Quelles sont ces trois qualités? Et il cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala raconte ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Abu Bakr dans la grotte quand ils étaient sur la route, quand ils ont quitté la Mecque vers Médine, et qu'il y avait à leur trousse les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont cachés dans une grotte. Et ensuite, les kuffars de Quraysh se sont rapprochés de cette grotte et ont cherché le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne l'ont pas trouvé. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde vers ses pieds, il nous verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que dis-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et donc Abu Bakr, Omar radiallahu anhu, a dit à ces gens-là, qui possède pareille qualité que ces trois-là? Et il cite le verset, ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ce qui veut dire, et qu'il fut l'un des deux qui se trouvèrent ensemble dans la grotte. Donc on parle de qui ici? De Abu Bakr. et dit alors à son compagnon, le prophète dit à son compagnon, Abu Bakr, ne t'attriste point, Allah est avec nous. Et c'est le seul compagnon qui a été cité dans le Coran comme compagnon. D'accord? La seule personne où Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran qu'il est un compagnon avec ce mot-là, sahib, compagnon, c'est Abu Bakr, radiyallahu an. Donc voici les trois choses qui ont été citées ici. La première, c'est le fait qu'il était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte. Qui était avec lui ce jour-là, dans cette épreuve? Seul Abu Bakr. La deuxième, le fait qu'il était son compagnon. Il dit alors à son compagnon, ne t'attriste point, Allah est avec nous. La troisième, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été avec eux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, alaykum salam, a été avec le prophète et a été aussi avec Abu Bakr, radiyallahu anhu. Alors, qui choisir si ce n'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Dans une autre version authentifiée par l'Albani, rahimahullah, Omar leur a dit, Ya ma'ashara al-ansar, ô vous les ansar, alastum ta'alamoun, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قد أمر أبا بكر أن يأم الناس. Ne savez-vous donc pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière des gens? فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر. Qui est celui d'entre vous qui ressent un plaisir à devancer Abu Bakr? C'est-à-dire, comment allez-vous choisir quelqu'un? Et ce quelqu'un que vous allez choisir, comment pourrait-il ressentir un plaisir à devancer celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour devancer les gens dans la prière? Et c'est pour ça que les savants ont dit que parmi les signes qu'Abu Bakr radiyallahu anhu allait être le successeur, le fait que le prophète alayhi sallam le désignait comme imam quand il ne pouvait pas accomplir la prière. Car dans la sunna, il n'y a pas, les savants disent qu'il n'y a pas de hadith directement clair où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit après moi il y a Abu Bakr. Cependant ils disent il y a tout un tas de hadiths authentiques qui sont presque au niveau de la clarté, tellement ils sont évidents, qui nous montrent que celui qui est choisi c'est Abu Bakr radiyallahu an. Donc il n'y a pas de différence, c'est comme si c'était clair que le prophète a choisi Abu Bakr radiyallahu anhu. Et toutes les autres paroles qui sont rapportées par les gens de la bid'a, comme les shi'a, qabbahahumullah, qu'Allah azza wa jalla les enlaidisse, et tous les autres gens de la bid'a, de l'innovation, sont des paroles infondées, fausses, mensongères, inventées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que, en fait, il y a une divergence et que certains avaient désigné Ali, mais qu'en fait, ils ne se sont pas mis d'accord, et ensuite les compagnons ont apostasié, ils sont sortis de l'islam, ils ont mécru, ils sont devenus des hypocrites, certains parmi eux ont commis la fornication, l'a'adou billah, et tout un tas d'accusations, infondées, sur lesquelles ils rendront des comptes à Allah, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne ce qu'ils méritent pleinement, car ils ont insulté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. Les Ansar ont répondu à Omar, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le fait que l'un d'entre nous recherche à devancer Abu Bakr. Donc ils se sont tous mis d'accord sur Abu Bakr radiyallahu anhu. Man huma? Omar leur a dit, qui sont-ils? C'est-à-dire, qui sont ces deux personnages dont on parle qui étaient dans la grotte? قال ثم بسط يده فبايعه. Alors, Omar tendit sa main à Abu Bakr et lui fit ainsi allégeance. Il a serré la main à Abu Bakr et lui a dit, je te prête allégeance et je te promets l'obéissance, et suivi. وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. Suite à quoi les gens lui firent une excellente et belle allégeance. Donc les gens sont venus un par un serrer la main à Abu Bakr radiallahu anhu pour lui promettre l'obéissance. Parmi eux, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et tous les compagnons qui ont pu lui prêter allégeance radiallahu anhu et sahabati ajma'in. Et avec cela, ce hadith s'arrête et se termine. Et il nous restera, inshallah, un hadith pour passer au chapitre suivant concernant l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera l'avant-dernier hadith de ce hadith, de ce livre magnifique. On reprendra, inshallah, le cours demain après salat al-asr. Barakallahu fikum, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.